l'annonçait Catherine ce matin, je vais donc vous parler de théâtre, mais constatant que la production dramatique de la Comédie française était assez peu marquante pour l'année 1721, je me suis tournée vers le théâtre italien et je m'intéresserai essentiellement à Arlequin Sauvage de Delille. Les sottes gens que ceux de ce pays. Ce sont là les premiers mots prononcés par Arlequin dans la première scène, dans la première pièce de Delille, représentée au Nouveau Théâtre Italien le 17 juin 1721, Arlequin Sauvage. Le ton est ainsi donné. Arlequin, sauvage d'Amérique, Huron débarquant en France, prend à partie le public de la Régence et se montre immédiatement critique quant aux mœurs françaises. La tentation était grande dès lors pour les critiques de voir dans cet Arlequin sauvage un équivalent théâtral des lettres persanes de Montesquieu parues quelques semaines plus tôt. C'est d'ailleurs le parallèle qui est établi par Xavier de Courville en 1945 et qui est presque systématiquement repris par les rares études menées sur le théâtre de Delille de la Drevetière. Delille a eu la plaisante idée de confier à Arlequin le rôle que Montesquieu confie à Rica, Voltaire, à Micromégas. Arlequin appartenait-il à l'espèce humaine, etc. Pourtant, si les lettres persanes sont ancrées dans le temps de la Régence, si Montesquieu y fait référence à des événements récents, rien de tel dans l'œuvre de Delille. La scène est censée se dérouler à Marseille, comme on le voit ici dans la didascalie initiale. Et pourtant, à aucun moment nous ne trouvons dans l'ensemble de la pièce une seule référence, ne serait-ce qu'une légère évocation, ne serait-ce qu'implicite, à la peste de 1720 dont Jean-Pierre Poussou vient de nous parler. Nous ne trouvons pas non plus de référence, par exemple, à la banqueroute de l'eau. Le parallèle entre les deux textes, en ce qui concerne notamment leur portée critique, me semble donc quelque peu hasardeux. D'autant plus que les deux persans qui arrivent en France s'intègrent très facilement à la bonne société française. Tandis que pour Arlequin, comme nous allons le voir, l'intégration s'avère plus difficile. Si la critique des mœurs françaises se trouve dans les deux ouvrages, leur portée satirique est tout autre. Rappelons que la censure qui pesait sur les pièces de théâtre aurait de toute manière rendu impossible la liberté de ton et la satire franche à l'œuvre dans le roman épistolaire de Montesquieu ou dans les contes de Voltaire. Arlequin ne se prive pas cependant de s'offusquer donc des coutumes françaises à mesure qu'il les découvre. La formule qui sert de titre à certaines interventions revient ainsi comme un refrain qui ponctue le déroulement de la pièce. À l'acte 1, nous avons donc « les sottes gens que ceux de ce pays ». À l'acte 2, les vilaines gens que ceux avec qui il faut prendre de telles précautions. À l'acte 3, ah, les vilaines gens que ceux de ton pays. Serait-ce en raison de cette critique un peu vive que cette comédie n'a été représentée ici même, à la cour de Versailles, qu'assez tardivement, en 1730, comme le rappelait l'exposition sur les divertissements de cour qui se tient en ce moment à Versailles donc. La pièce est représentée en 1730, soit 9 ans après la première représentation parisienne. Ce décalage est étonnant, car toutes les autres pièces de Delille ont été jouées à la cour dans les mois qui suivaient la première représentation à l'hôtel de Bourgogne. Mais je reviendrai sur ce détail surprenant en conclusion. Ces considérations nous invitent à tenter de saisir l'originalité de cette comédie, qui, avec 268 représentations entre 1721 et 1791 demeure le plus grand succès du théâtre italien au XVIIIe siècle. Nous tâcherons donc de voir pourquoi cette comédie a pu être qualifiée également de philosophique, et nous essaierons de prendre la mesure de sa dimension satirique pour voir s'il pourrait s'agir d'une manifestation dramatique, théâtrale, de ces Lumières d'avant les Lumières. Donc, je commencerai donc par rappeler rapidement le contexte de création de cette comédie, ainsi que la manière dont elle a été reçue en son temps, ce qui m'amènera à m'intéresser plus particulièrement aux spécificités du nouveau théâtre italien au début de la Régence et au jeu des comédiens qui a pu garantir évidemment le succès de la pièce. Une fois que nous aurons cerné le genre de spectacle auquel nous avons affaire, je pourrai ainsi m'intéresser plus particulièrement à ce qui fait donc l'originalité de cette pièce de Delille, à savoir la mise en scène, ou plutôt la mise sur la scène, d'un sauvage qui découvre et observe les mœurs françaises. Beaucoup de commentateurs ont voulu voir dans ce parti pris dramaturgique l'adaptation, voire la réécriture de l'œuvre du baron de Lahontan, et plus particulièrement des dialogues, Et nous verrons que cela est à nuancer et que ce principe dramatique du regard de l'étranger est en réalité beaucoup plus courant qu'il n'y paraît à l'époque, et notamment sur le théâtre de la foire. Avant toute chose, puisqu'il s'agit donc de saisir l'originalité de cette pièce en son temps, il me faut faire un détour par l'histoire du nouveau théâtre italien sous la Régence, et plus particulièrement au début des années 1720. Le nouveau théâtre italien, donc, ce sera mon premier temps, réforme du répertoire et refonte du personnel dramatique. On se souvient qu'une nouvelle troupe italienne, dirigée par Luigi Riccoboni, s'installe à l'hôtel de Bourgogne à l'invitation du régent en 1716. Louis XIV avait fait chasser la précédente troupe par ordre royal en 1697. Vous voyez ici une gravure d'après Watteau qui représente donc cette débâcle, le départ des comédiens italiens. Ce serait une représentation de la fausse prude de Lenoble, dans laquelle on a cru voir des allusions à Madame de Maintenon, qui aurait mis le feu aux poudres et aurait fait chasser les comédiens italiens jugés trop irrévérencieux. Jusqu'au début de la Régence, le public vit donc dans la nostalgie de ce théâtre comique perdu et de la troupe italienne. Vous avez ici une autre représentation bien connue, hein, par Watteau, vers 1720. Ainsi donc, au retour de la troupe, le public est nombreux à se presser à l'hôtel de Bourgogne. Mais l'engouement est de courte durée. En effet, si le jeu à l'improviso et les canevas traditionnels du théâtre italien font un temps recette, le public se lasse assez vite de ces formes connues, de ces pitreries en italien, auxquelles la plupart n'entendent rien, l'italianisme étant, semble-t-il, passé de mode. Le directeur de la troupe, Luigi Riccoboni, dit Lelio, était de toute manière arrivé en France avec l'ambition de refonder toute l'esthétique du théâtre italien. Et pour cela, il fait alors appel à des auteurs français qui vont renouveler le répertoire tout en continuant à faire jouer des canevas connus et sans abandonner immédiatement le jeu en italien. Otro donne ainsi en 1718 la première pièce écrite presque intégralement en français. Il s'agit du naufrage au port à l'anglais. Plusieurs auteurs collaborent par la suite, dont Gueulette, Fuselier, Marivaux et donc Delisle. Malgré quelques succès, le théâtre italien se trouve au début des années 1720 dans une mauvaise passe. Depuis 1717, les recettes sont régulièrement déficitaires. Le public boude la troupe italienne et préfère le théâtre de la foire. C'est dans ce contexte plutôt compliqué donc que la première pièce de Delisle, auteur à propos duquel nous avons par ailleurs assez peu d'informations, la première pièce de Delisle est créée le 17 juin 1721. Nous avons ici le registre de la comédie italienne qui ont été heureusement conservés pour cette période alors qu'ils sont perdus entre 1718 et 1721. Vous voyez ici donc la date, hein, 17 juin 1721, c'est un mardi, et Arlequin Selvatico, donc le titre est en italien, on voit bien que la francisation de la troupe était encore balbutiante. Viennent ensuite les frais ordinaires, qui n'ont rien d'exceptionnel, puis ici les recettes liées au nombre de places. 19 premières loges, 24 deuxièmes loges, 4 troisièmes et 167 billets pour le parterre, soit 214 spectateurs là où il en aurait fallu 500 pour que les comédiens entrent dans leurs frais. Donc un succès relatif. Hein. Le succès de la pièce est donc progressif. La pièce est jouée 6 fois en juin et rassemble en tout 1800 spectateurs. Elle est reprise 7 fois en juillet et seuls 1000 spectateurs se déplacent en tout. Donc à peine 3000 spectateurs en 2 mois, rien ne laissait présager que cette pièce resterait à l'affiche. Et pourtant, elle deviendra une pièce importante du répertoire et même la pièce finalement la plus jouée sur l'ensemble du siècle. Je rappelle ici qu'avec seulement 2 pièces, Arlequin Sauvage et Timon le Misanthrope, Delisle est l'auteur le plus joué au théâtre italien au XVIIIe siècle devant Marivaux. C'est une parenthèse. Si la pièce ne rassemble pas un nombre remarquable de spectateurs, la critique se montre indulgente. Vous avez ici la critique du Mercure de France. L'auteur résume ainsi la première représentation de la comédie en juin 1721. Il commence par louer le jeu de l'acteur Thomassin, dont je vais reparler tout de suite, qui joue avec des grâces naïves et un élégant badinage. ce qui contraste avec le personnage type d'Arlequin, comme nous allons voir. Puis, dans la suite du texte, il résume moins l'action qu'il ne décrit quelques scènes comiques savoureuses. Et enfin, il remarque que la censure est générale sans blesser aucune des idées que l'on doit respecter dans le monde. La pièce apparaît donc comme tout à fait morale, propre à corriger les mœurs, et elle n'a rien de bien corrosif, si l'on veut. Nous avons donc une pièce, pas franchement corrosive, qui ne rencontre pas un succès exceptionnel, et qui pourtant reste au répertoire, ce qui peut paraître étonnant, peut-être parce qu'elle plaît essentiellement aux comédiens, comme nous le verrons. J'en viens ainsi à un second temps, dans lequel je vais enfin venir au texte et à la dramaturgie novatrice, et éminemment comique, que Delisle met en œuvre, et qui explique que donc cette pièce soit devenue un incontournable du répertoire italien. Comme je l'évoquais, lorsque la nouvelle troupe s'installe à Paris, Lélio avait dans l'idée de rénover ce théâtre, notamment en polissant les personnages types hérités de la Commedia dell'arte. Nous voyons ici une représentation d'Arlequin et de Lélio, donc c'est qu'on peut voir au musée Carnavalet à Paris. Le tableau est anonyme, mais il date de 1720, donc à peu près contemporain de notre pièce. On voit donc que Arlequin conserve ses caractéristiques traditionnelles, son costume est composé de morceaux de tissu, de triangles rouge, bleu, jaune et vert, et surtout il porte ce masque de cuir, qui est donc typique du personnage. Si les comédiens du Nouveau Théâtre Italien ont donc maintenu les attributs types de ce personnage, de ce Zanni, Lélio se targue, comme vous pouvez le voir dans le texte à droite, d'avoir fait évoluer ce type vers un personnage. Ces remarques sont tirées ici donc, de son histoire du théâtre italien, et il dit donc qu'ils ont donné un caractère à Arlequin qui devient l'esprit du théâtre, le personnage central, celui qui donne le ton de la pièce. Or, comme l'a bien remarqué le critique dans le Mercure de France, c'est évidemment le personnage d'Arlequin qui concentre l'intérêt de cette comédie. Arlequin est cependant plus spirituel dans ses nouvelles comédies que le type traditionnel, connu surtout pour ses bouffonneries, conformément à l'évolution souhaitée par Lélio et déjà initiée par Marivaux dans Arlequin poli par l'amour, qui date de 1720. Je reviens cependant à la pantomime, dont le directeur de troupe, Luigi Riccoboni, sait bien que ce sont elles qui assurent le succès des pièces, comme il le dit à la fin du texte que vous pouvez lire. Le public demande si Arlequin est agile, s'il fait des culbutes, s'il saute et s'il danse. C'est ça qui fait donc le succès des représentations. Or, le comédien interprétant Arlequin au début du XVIIIe siècle parvint à concilier ces deux tendances. Il s'agit de Thomassin, vous voyez ici, comédien très populaire au début du siècle, qui a contribué à faire évoluer le type d'Arlequin. Il était en effet un acrobate et un mime bouffon. On l'a vu, par exemple, dans le canevas du Festin de Pierre en 1717, exécuter des culbutes, un verre à la main, sans renverser une seule goutte de vin. Dans un autre canevas, les quatre Arlequins, il escaladait le théâtre en faisant le tour des balcons. Et dans un ancien canevas repris en 1716, La fille désobéissante, Arlequin, à l'approche de la mort, je cite, « sent des convulsions, fait plusieurs tours sur le théâtre à plat ventre en faisant la culbute, de sorte que le flambeau passe entre ses cuisses et reste droit et allumé. » C'est dire si Thomassin devait être agile. Cependant, à ses mimiques héritées de l'ancien théâtre italien et de l'ancien Arlequin, Thomassin ajoute une dimension plus naturelle et pathétique, propre à plaire au public de son temps. Nous allons en voir un exemple tout de suite. J'en viens ainsi, donc enfin, au texte de la comédie, dont je vous propose d'observer certains extraits dans lesquels la gestuelle comique d'Arlequin est parfois décrite. Notons que nous n'avons pas conservé le manuscrit de cette pièce, puisqu'elle a été éditée. Or, en consultant d'autres manuscrits de Delisle, qui sont conservés à la BNF, on peut remarquer que l'auteur décrivait beaucoup plus ses jeux de scène pour les comédiens dans les versions manuscrites. J'évoquais donc à l'instant les évolutions du personnage d'Arlequin, partagées entre pitrerie traditionnelle et une tendance nouvelle au jeu naturel. Nous avons un exemple de cette tension à l'acte 2, scène 4. La scène commence par un ladzi, c'est-à-dire un jeu de scène, pendant lequel le personnage adopte des postures comiques totalement étrangères à l'action, C'est en quelque sorte un décrochage par rapport à l'intrigue qui est laissé à la libre interprétation du comédien. Vous voyez, Arlequin faisant mine au parterre, pardon, sans rien dire ni regarder son maître. C'est ici le seul Lazzi indiqué dans la pièce imprimée, ce qui est donc significatif de la tendance à changer cette représentation du personnage. Ce jeu à l'italienne est contrebalancé dans la suite de la pièce par un moment poignant, lorsqu'Arlequin apprend qu'il est pauvre, après que Lélio lui a expliqué le principe de l'argent et des inégalités sociales. Vous voyez ici sa réplique. « Que le diable t'emporte, pourquoi donc, scélérat, m'as-tu tiré de mon pays pour m'apprendre que je suis pauvre? Je l'aurais ignoré toute ma vie sans toi. » Suite de la réplique. « Réponds-moi, scélérat, homme sans foi, sans charité. » Puis il pleure. C'est donc un moment où Arlequin s'emporte et juge durement, avec assez d'éloquence, le fonctionnement de la société française. Mais cet emportement est de courte durée et les lamentations d'Arlequin sont vite effacées par le retour des répliques suivantes à l'intrigue amoureuse entre Lélio et Flaminia, qui constitue le fil directeur de la pièce. Nous y reviendrons. Si l'ensemble de la comédie comporte peu de Lazzi à proprement parler, les pantomimes d'Arlequin sont extrêmement nombreuses et occupent plusieurs fonctions dramaturgiques dont nous allons voir tout de suite un échantillon. Je n'ai pas pu retenir toutes les scènes de pantomime. Nous n'en verrons que quelques-unes. Premier cas de figure, certaines mimiques visent à singer le public dans la salle. Arlequin se moque des coutumes et des postures qu'il observe à son arrivée en France. Ainsi, dès le début de la pièce, c'est le premier extrait, Arlequin, face au public, dresse le tableau de ses premières observations. Si la gestuelle n'est pas décrite, on peut imaginer qu'il appuie son discours par des gestes pour faire rire le public. C'est donc la fameuse réplique « Les sottes gens que ceux de ce pays. Les uns ont de beaux habits, qui les rendent fiers, ils lèvent la tête comme des autruches, on les traîne dans des cages, on leur donne à boire et à manger, on les met au lit, on les en retire, enfin on dirait qu'ils n'ont ni bras ni jambes pour s'en servir. » Au début de l'acte 3, nous avons un autre cas, donc de moment où Arlequin singe le public de la salle. Lorsqu'un bal se prépare chez Mario, Arlequin paraît habillé en petit maître, ce qui donne l'occasion... c'était le second extrait, d'une pantomime caricaturale dans laquelle pouvaient sans doute se retrouver certains membres du public. Hein, vous voyez, ce n'est pas tout, le capitaine m'a aussi appris les grimaces et les contorsions qu'il faut faire sous cet habit. Tenez, voyez si je fais bien, et il contrefait le petit maître. Second cas de figure, d'autres jeux de scène sont permis par la naïveté du personnage et son statut de sauvage qui permettent des jeux de scène inédits. Ainsi, l'un des moments forts du spectacle se trouve au troisième acte. Bon, malheureusement, pas le temps de lire toute la pièce. Il s'agit presque du clou comique, en fait, de cette comédie. Violette laisse tomber un miroir et Arlequin, ne sachant ce dont il s'agit, croit voir une vraie personne dans son reflet. Il fait alors 100 postures bizarres. Vous pouvez voir les didascalies. Il fait des grimaces. Puis, lorsque Violette, s'approchant, apparaît également dans le reflet, Arlequin est hilar et son rire gagne tous les personnages, ainsi évidemment que le public. C'est donc ici une scène comique à deux qui révèle encore une fois la naïveté d'Arlequin, découvrant non seulement les coutumes françaises, mais également des objets qui lui sont inconnus. Nous en avions eu un aperçu à l'acte 1, scène 6, je vais passer rapidement, lorsqu'Arlequin rencontre un marchand qui donc lui montre son étal. Et que, donc pour commencer, Arlequin observe la marchandise avec beaucoup de jeux, nous dit la première didascalie. Il fait donc beaucoup de mimiques et de postures comiques. Puis il s'empare d'un portrait de femme, je cite encore une fois le texte, qu'il croit être une femme véritable, nous dit la didascalie. S'ensuit une scène absurde dans laquelle Arlequin s'attendrit devant cette si petite femme. Petite mamour, oh qu'elle est gentille, comment diable a-t-on pu faire tenir là ? Et par la suite, donc lorsqu'Arlequin demande comment on peut faire des hommes si petits, le marchand lui tend un pinceau et il s'esclave. Haha, la plaisante chose et les drôles d'instruments que ceux dont on fabrique les hommes. À ma foi, ce pays est original en toute chose. Dis-moi, mon ami, t'a-t-on fait aussi avec un pinceau ? On voit bien qu'il s'agit là d'une scène comique à la limite de l'absurde et éloignée de toute forme de réalisme, de volonté de rendre l'observation de cet étranger pertinent. La suite de la scène tourne mal lorsque le marchand demande à Arlequin, qui qui n'a aucune notion de ce qu'est l'argent, donc, de le payer. Vous voyez ici. Comment est-ce ainsi que l'on paie les gens, aux voleurs ? Harlequin s'écrit alors, « Il faut que j'arrache la chevelure à ce coquin. » Il lève le sabre et le marchand abandonne sa perruque en fuyant. Donc il s'agit là de reproduire, sur le mode burlesque, une scène de scalp, qui joue donc sur un certain imaginaire, sans doute hérité des relations de voyage, décrivant les mœurs des peuples d'Amérique. On est tout de même loin d'un effet pittoresque, hein. La scène se veut avant tout comique, et il s'agit de créer une pantomime inédite pour surprendre le public. Alors, certes, si l'on consulte les mémoires de Lahontan, sur l'Amérique septentrionale, qui date de 1703, il apparaît que la pratique du scalp était déjà connue donc par les relations de voyages antérieures, mais que les miroirs étaient quant à eux connus des peuples d'Amérique, et notamment des Hurons. Le fait que Delisle fasse d'Harlequin un Huron, un sauvage d'Amérique, a conduit nombre de commentateurs à chercher à voir dans cette comédie une adaptation dramatique de l'œuvre du baron de Lahontan, et donc notamment des dialogues curieux avec un sauvage qui a voyagé. S'il est possible que Delisle ait pu s'inspirer de l'œuvre de Lahontan, qu'il a peut-être lu à la faveur d'une réédition en 1715, il me semble que la dimension de réécriture générique est à nuancer. Harlequin sauvage serait-il donc un avatar de l'Adario de Lahontan ? Une des scènes qui permet le plus sûrement de faire le lien entre la comédie de Delisle et l'œuvre de Lahontan se trouve à l'acte 1, scène 5. Là encore, l'extrait est trop long. Lorsqu'Harlequin rencontre Violette et la trouvant à son goût, lui propose de s'aimer à la sauvage, selon les coutumes de son peuple. Il lui explique ainsi que, dans son pays, on présente une allumette aux filles. Si elles la soufflent, c'est une marque qu'elles veulent vous accorder leur faveur. Il allume donc une allumette, voyons, la première colonne, que Violette souffle, et Harlequin, bien content, « Allons, ne perdons point de temps, il ne s'agit plus de compliments ici, venez ma belle », et il l'emporte dans ses bras. Il faut ensuite réfréner les ardeurs d'Harlequin et lui expliquer que les choses ne se passent pas ainsi en France. Cette scène paraît directement inspirée non pas des dialogues de Lahontan, dans lesquels Adario n'évoque cette pratique qu'en passant, mais bien plutôt des mémoires qui détaillent cette coutume. Et vous avez ici une planche des Mémoires de Lahontan de l'édition de 1703, avec un détail. L'amant, vous voyez ici la légende, l'amant porte l'allumette au lit de sa maîtresse, quand elle veut bien l'admettre, il la souffle, etc. Delisle a pu s'inspirer de cette planche, mais on voit qu'il le fait avant tout au profit d'une scène dans laquelle l'exotisme, le pittoresque, est subordonné à l'effet comique et quelque peu graveleux. Hein, le public admirant sans doute cette liberté de ton, l'invitation à s'aimer à la sauvage et les manières quelque peu cavalières d'Harlequin. Tandis que sous la plume de Lahontan, l'évocation de cette coutume sert avant tout à dénoncer l'hypocrisie des manières françaises en ce qui concerne la galanterie. Je le disais, nombreux sont donc les critiques qui ont voulu voir dans l'Harlequin sauvage une réécriture théâtrale des œuvres de Lahontan. La tentation était grande notamment de faire d'Harlequin un avatar de l'Adario, que l'on trouve dans les dialogues. Cependant, il me semble que ce parallèle doit être fortement nuancé. Alors, comme on l'a vu, si la scène de l'allumette fait écho aux mémoires de l'Amérique septentrionale, d'autres jeux comiques imaginés par Delisle contredisent l'état des connaissances sur la vie et les coutumes des peuples amérindiens. Vous avez ici une image du frontispice de Lahontan, oui, qui est connue. Alors, certes, certaines formulations, certaines sentences d'Harlequin semblent directement inspirées des dialogues. Françoise Rublin a fait un relevé de quelques formules. Ainsi, par exemple, « Je pense que vous êtes des fous qui croyez être sages, des ignorants qui croyez être habiles. » Acte 2, scène 4, chez Delisle. Faites écho à « Vous voulez passer pour sages et vous êtes fous. Vous vous croyez des gens d'esprit et vous êtes de présomptueux innocents chez Lahontan. » Nous avons un autre exemple. À ce compte-là, tu préfères l'esclavage à la liberté chez Lahontan, deviendrait, vous êtes esclave de toutes vos possessions et vous préférez votre liberté à vos frères. Acte 2, scène 4, chez Delisle. Ce sont là les exemples repris par Françoise Rubelin. Mais en fait, si l'on observe, si l'on lit en parallèle les deux textes, il apparaît que ce sont des critiques qui relèvent presque du lieu commun, hein. Harlequin, comme Adario, critique les compliments hypocrites, la place centrale de l'argent dans les sociétés européennes, la coquetterie excessive des courtisans, les mariages malheureux, etc. Et somme toute, si l'on, pour avoir lu les deux textes en parallèle, il se trouve que l'on remarque assez peu de reprises textuelles, des cas de réécriture manifeste entre les deux œuvres, au point que l'on peut douter que Delille ait composé sa pièce en ayant sous les yeux ou même en tête les dialogues de Lahontan. Et surtout, c'est là le point essentiel, la situation d'énonciation, l'enjeu des discours d'Arlequin et d'Adario, tout comme leurs situations respectives, sont en tout point dissemblables. L'Adario de Lahontan, extrêmement critique quant aux mœurs françaises, n'a de cesse de rappeler qu'il les juge en connaissance de cause, ayant voyagé en Europe et particulièrement en France. Il établit même des comparaisons entre sa nation, la France et l'Angleterre. Dès les premières lignes des dialogues, il dit donc « Tu sais que j'ai été en France, à la Nouvelle-York et à Québec, où j'ai étudié les mœurs et les doctrines des Anglais et des Français. » Tandis qu'Arlequin de Delille arrive en France parfaitement ignorant des mœurs et des coutumes françaises, d'où son étonnement et les situations cocasses dans lesquelles il se retrouve. D'ailleurs, Lélio le dit bien dans la première scène de la pièce, dans cette réplique programmatique. Il dit que c'est pour se ménager le plaisir de voir donc l'étonnement d'Arlequin qu'il a défendu de l'instruire de nos coutumes. La vivacité de son esprit, qui brillait dans l'ingénuité de ses réponses, me fit naître le dessein de le mener en France avec son ignorance, etc. Ajoutons enfin que l'œuvre de Lahontan est ouvertement critique à la contre de l'entreprise d'évangélisation des jésuites et qu'il n'est à aucun moment question de religion ou encore moins de critique religieuse dans l'œuvre de Delille. Les personnages d'Adario et d'Arlequin sont ainsi difficilement superposables et n'occupent en aucun cas la même fonction critique. D'ailleurs, les propos tenus par Delille et par Lahontan se trouvent radicalement opposés en ce qui concerne le commerce. Tandis que chez Delille, l'intervention du marchand est l'occasion d'une scène de rapine, nous l'avons vu, attendue de la part du personnage d'Arlequin, suivie d'une scène de bastonnade revisitée. Delille se conforme en cela aux représentations de l'époque, les financiers et les marchands cristallisant les haines du public, il était de bon ton d'en faire les boucs émissaires dans les comédies du début du siècle. Mais dans l'œuvre de Lahontan, Adario, le sauvage, fait au contraire l'éloge du commerce et des marchands et condamne les mauvais jugements auxquels les marchands sont exposés en Europe. Discours totalement opposé. Arlequin et Adario se retrouvent cependant donc dans l'apologie qui fonde la vie sauvage, mais tandis qu'Adario retient comme leçon qu'il ne souhaite en aucun cas retourner en Europe et quitter ses forêts, Arlequin, lui, semble se plier finalement aux coutumes françaises, du moment qu'il peut épouser Violette et vivre au crochet de Lélio. En fait, la critique des mœurs françaises, topique, comme nous l'avons vu, est largement contrebalancée dans cette comédie par la double intrigue amoureuse qui assure la progression de la pièce sur un modèle très convenu. Flaminia était promise à Lélio avant son départ pour la Nouvelle-France, mais l'annonce de son ouvrage sur les côtes espagnoles a fait changer son père, le barbon Pantalone Davy, quant à cette union, puisqu'il souhaite désormais offrir sa fille à Mario, contre l'avis de Flaminia. La comédie prend fin lors d'un bal, après l'intervention de deux figures allégoriques, l'amour et l'hymen, qui se mettent d'accord sur les bons conseils d'Arlequin pour que Flaminia épouse son premier amant. C'est donc la fin de la comédie ici. La comédie se termine par une fête allégorique, un morceau chanté, donc qui clôt le spectacle, et ne revient plus en fait sur les découvertes et les observations d'Arlequin. Nous avons donc une morale chantée finale, dans laquelle, qui vise la vanité, la comédie des apparences, la fausseté des relations amoureuses, bref, des choses qui sont très connues. Et la pièce se termine par une adresse complice d'Arlequin au public, l'invitant à quitter la salle s'il n'apprécie pas son discours. Bravade traditionnelle de fin de spectacle, qui n'avait donc rien pour choquer le public du nouveau théâtre italien. Rien ici donc qui ne risque de choquer la morale ou la censure. Arlequin épouse finalement Violette et se plie aux mœurs françaises, tandis qu'Adario professait donc dans la dernière phrase des dialogues de Lahontan « Je ne passerai plus de ma vie de l'Amérique en France ». Et ces remarques nous amènent donc à nous demander s'il existerait un théâtre satirique et philosophique au temps de la Régence. Si le discours moralisateur traditionnel était donc assumé par le personnage d'Arlequin, toute critique de son temps a donc été soigneusement évitée par Delille, si bien que l'on peut difficilement y voir, selon moi, une pièce réellement satirique. Est-elle même philosophique ? Je pense que la question peut se poser, le dénouement de l'intrigue et le jeu comique sur la naïveté d'Arlequin en font plus un personnage bouffon que philosophe, et à la limite, c'est plutôt l'attitude de Lélio ou de Flaminia qui essaie de comprendre sa façon de penser et qui réévaluent leurs coutumes à la lumière des observations d'Arlequin, qui seraient les personnages s'approchant le plus d'un esprit philosophique. Il me semble donc que, en fait, ce qualitatif, donc, fait de désigner cette comédie comme une comédie philosophique, est plutôt dû à une relecture plus tardive de la pièce, à l'aune notamment de l'œuvre de Rousseau, qui fait référence à cette comédie dans sa lettre sur les spectacles. Bon, je n'ai pas le temps de commenter cette citation, mais Rousseau remarque que si l'Arlequin sauvage a eu du succès, c'est parce que Delille a su flatter le goût des spectateurs à la recherche d'idées neuves et singulières, et qu'elle était dans cela conforme finalement à l'esprit de son temps, et ce n'est pas parce que les spectateurs se seraient identifiés au personnage d'Arlequin, ce que Rousseau regrette. Il me semble que si la pièce plaît, c'est en raison plutôt des situations comiques inédites que l'auteur a su ménager à la faveur de ce sujet novateur, sans pour autant trop s'éloigner de la forme de la comédie traditionnelle et donc des goûts de son temps. Antoine Dorini, dans ses Annales du théâtre italien en 1788, entérine le parallèle entre la comédie de Delille et la pensée de Rousseau. Alors cet ouvrage, hein, donc les Annales du théâtre italien, cet ouvrage fait encore référence pour l'étude de ce répertoire, ce qui peut expliquer donc, cet effet de lecture. Ce devait donc être une pièce que les comédiens, par ailleurs, aimaient interpréter, puisqu'ils n'ont de cesse de la remettre au répertoire, hein, de la reprogrammer, même après que les pièces de Delille, exception faite de Timon le Misanthrope, jouées en 1722, ne rencontrent pas de succès. Les autres pièces de Delille ne marchent pas du tout. Pour conclure, donc rapidement, doit-on voir chez Delille un précurseur des Lumières parce qu'il a mis en scène un sauvage, un étranger, critique des mœurs françaises? Il me semble que la réponse peut être plus que mitigée. L'auteur compose avant tout une œuvre moralisatrice, dont le relatif succès à ses débuts est dû moins à sa dimension critique, satirique, qu'à sa dramaturgie novatrice, que l'auteur déploie grâce au talent de ses comédiens. L'originalité de Delille tient plutôt à la manière dont il a su, peut-être, s'inspirer de l'œuvre de Lahontan, mais pour la vider de toute critique décapante, pour transposer le principe du regard extérieur sur scène. Il profite en outre, à l'époque, de la veine des arlequins moralisateurs que Lélio, dans sa volonté de refonte du théâtre italien, appelle de ses vœux. C'est dans ces conditions que la pièce a pu être si souvent reprise et être finalement lue par les philosophes qui lui ont ensuite accolé donc, la réputation de pièce philosophique. J'en reviens à la représentation de la pièce à la cour en 1730. Je me demandais en introduction ce qui pouvait expliquer que la pièce n'ait pas été représentée plus tôt, et j'avançais l'hypothèse selon laquelle elle pouvait sembler par trop critique au pouvoir. Il me semble, au terme de ce parcours, que la raison en est plutôt que Delille, auteur débutant dont la première pièce mit un certain temps avant de devenir un incontournable du répertoire italien, intéressait peu la cour au moment de la création de la pièce. Et une comédie italienne moralisatrice devait encore moins intéresser le régent, qui par ailleurs, lorsqu'il commande des pièces au Nouveau Théâtre Italien, exige expressément qu'elles soient dans le goût de la farce. Cela qu'il veut, des pièces farcesques et non des pièces moralisatrices. Un dernier mot pour finir et pour revenir à la saison 1721 à la comédie italienne. Catherine l'évoquait ce matin. Le véritable succès cette année-là, la pièce la plus rentable pour les comédiens, c'est bien plutôt Arlequin Cartouche, hein, représenté le 20 octobre 1721, qui attire pour la première, nous avons ici les registres, plus de 700 spectateurs, soit 5 fois plus que l'Arlequin Sauvage de Delille quelques mois plus tôt. Et l'Arlequin Cartouche continue de remplir la salle jusqu'à l'arrestation du véritable Cartouche, ensuite la pièce tombe dans l'oubli. Somme toute, ce sera mon dernier mot, si nous voulions chercher un théâtre véritablement satirique, bien plus novateur dans ses formules dramatiques et sa portée critique, il faudrait nous tourner vers le théâtre de la foire, qui, dès la fin du XVIIe siècle, s'empare de l'opposition entre nature et société pour puiser dans cette opposition de nouvelles situations comiques. Le théâtre de la foire, beaucoup plus transgressif, hein, pour lequel il nous reste rarement des pièces imprimées, ce qui en fait un objet un peu compliqué à étudier. Je peux évoquer, juste pour finir, la pièce de Lesage et d'Orneval, Le Monde renversé, vous voyez ici une illustration, qui est représentée à la Foire Saint-Laurent en 1718, le principe de cette comédie étant que Lesage imagine un monde dans lequel les riches ne peuvent pas se marier entre eux, donc sont obligés d'épouser des gueux. une autre pièce, Arlequin à la guinguette, dans lequel Jupiter et Momus, cherchant le sujet le plus propre à remplir l'emploi de censeur parmi les hommes, choisissent le naïf Arlequin. Et voilà, c'est une pièce à écriteau qui est représentée à la Foire Saint-Laurent en 1711. Et donc c'est plutôt vers ce théâtre-là qu'il faudrait se tourner pour trouver réellement un dispositif satirique. Merci.